Sans transition. Sans transition, c'est trop bien, je suis trop ravie. On accueille Marion Camille Palou, a.k.a. Dit Palace. Et alors, attends, je cherche. Ouais, c'est toujours le micro numéro 3. Est-ce que tu veux un casque ? Allez. Ça peut être chic. Hop. Est-ce que ça fonctionne des deux côtés ? Oui, je t'entends. Oui, super. Trop bien. Trop bien, bienvenue Marion, comment ça va ? Ouais, ça va, je peux remonter comme ça le micro ? Ouais, bien sûr, okay. Bien sûr. Voilà. Mets-toi à l'aise. Du coup, Marion, toi, tu as joué hier sous le nom de Dit Palace. On te connaît aussi sous le nom de Nacre. Tu joues aussi dans Officine. Tu es musicienne et technicienne. Comment tu Ah, dans mon métier aussi, ouais, technicienne son. Et ça va ? Ça va le métier ? Non, toi ? Ouais, ça va, c'est là. Ouais. Normalement, je demande ça avant les autres trucs. Le travail. Ça va le travail ? Voilà, le travail, la vie. Ouais, ça va très bien. J'ai dormi dans le petit lit, avec vue sur la douche et j'aimais bien, c'était pas mal. Je me suis réveillée à 7 heures à fond. C'est encore sur la joie d'hier, enfin, c'était super ambiance ici, Archipel. Ouais, non, c'est vrai, c'était vraiment méga bien. On a entendu tout à l'heure dans le récap de la veille un petit bout de l'effet que nous a fait ton concert. Attends, je galère avec mon casque. Enfin, l'effet que vos concerts ont eu sur nous, entre Sarah Terrell et toi, et puis c'est vraiment magnifiquement enchaîné. Et avant de passer un peu aux questions un peu plus précises sur justement un peu ce moment-là et ton setup et toutes ces choses, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à ce type de son ? Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier qui t'a amené vers ce type de musique et ce type de son ? Ouais, en fait, je pense dans Dit Palace, j'ai toujours été assez bien inspirée par la musique industrielle qui utilise quand même vachement l'oscillateur et les battements et les trucs, mais en version hyper saturée, enfin surtout Toby Grisol, des trucs comme ça. Et après, en fait, je crois qu'il y a 3 ans ou 4, en fait, on m'a proposé de faire une sieste électronique. Et c'était complètement à rebours de ce que je faisais en live à ce moment-là. Et j'ai été hyper emballée par l'idée que du coup j'allais jouer vraiment dans le même genre de dispositif, c'est-à-dire que j'étais sur un plateau, il y avait des coussins partout, les gens étaient allongés, il y avait une quadriphonie. Et l'idée, c'était pendant une heure de faire une musique qui était plutôt... Enfin, j'aurais pu faire... quelque chose de hyper brutiste, mais en fait je suis partie dans un délire ambiant en me disant bah tiens, c'est une super occasion pour partir dans l'idée de la synthèse sonore et de sortir du feedback et de la distorsion. Et je suis partie pendant 2 mois à préparer cette chose là avec rien. J'avais un Volca basse qui était toujours la petite machine que j'avais sur Dit Palace, qui est un mini synthé numérique. Et voilà, et depuis, en fait, ça m'a un peu suivi. Enfin, j'arrête pas d'essayer de faire des sons comme ça, de travailler les textures et d'essayer d'arriver. Voilà, l'idée, c'est d'arriver, essayer de retrouver une sorte d'ambiance un peu infernale, mais par la synthèse, sans le feedback. Et depuis, j'en ai fait plusieurs, des trucs comme ça. D'accord. C'est-à-dire des systèmes où voilà, je joue assise avec l'idée plutôt d'hypnose, on va dire. Et parce que là, t'es pas, pardon. Tu veux, parce que là maintenant, du coup, t'es passé là du Volca Bass à, enfin, Serge. Ah oui. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mm-hmm. Un truc qui tient dans la main, un gros machin, une armoire. Parce que c'est quand même, c'est quand même du lourd. Enfin, ça, c'est des sacrés synthés bien plongés dedans, quoi. Ouais. T'as toujours su que tu voulais faire de la musique, enfin, un peu sans transition, je pose un peu les questions comme ça. Ouais. Mais... Oui, c'est parce que le Serge, c'est un synthétiseur, on peut peut-être le préciser. Mm-hmm. Et effectivement, j'ai fait une résidence de 3 jours à la Maison Circuit où il y a un énorme Serge Modular System. et je savais pas trop quoi faire et j'ai essayé de faire de ce synthétiseur qui du coup n'est pas à moi mais et qui était à l'opposé et surtout techniquement de ce que je savais faire. Et après j'y suis allée plein de fois là-bas bosser là-dessus et du coup c'était un peu un luxe d'essayer de bosser sur la synthèse sur ce synthé qui sonne hyper particulier, hyper physique, hyper bien. J'ai envie d'en mettre un petit bout. Ah, du coup oui, je peux. Hop, juste pour se rendre compte. Non, non, voilà, je baisse un peu, mais je vais laisser quand même mon fond. Mais comme ça, on peut continuer à causer un peu. Mais ouais, parce que t'es vraiment passé d'un setup tel que je t'avais déjà vu au LUF, en tout cas, très méga rythmique, très, voilà, rythmique disto, une drum machine, une disto de la voix, au synthétiseur, en fait. Au synthé, quoi. Ouais. Et puis vraiment, pas n'importe lequel, en plus. Parce que, ouais. Ouais, c'est un truc que je trouve toujours assez fascinant, puisque je disais, parce que bah, t'as aussi ce projet Officine qui est plus vraiment ouais, punk, indus, cracra. Ouais. Je sais pas comment tu le décris, toi, le Officine. Ouais, c'est assez martial, assez rock, brutiste, répétitif. Et puis, ce que assez punk, ouais. Puis ce que je disais aussi ouais, hier, c'est que j'avais vraiment l'impression là que dans le live que tu as proposé, enfin sous cette nouvelle formule de Deep Palace, ça faisait vraiment comme, je sais pas, de rentrer dans chacun des types de sons que tu avais déployé avant dans la formule plus brutiste, rythmique et dans Officine aussi. Enfin vraiment les premières secondes du live, j'étais là, ah mais c'est Officine, mais genre dilaté quoi. Ça m'a fait vraiment cet effet de tout du long. Puis c'est vrai que c'était fou. Enfin, je me demandais qu'est-ce que ça te fait, toi, comme effet. Est-ce que c'est un truc que tu arrives à... L'effet de quoi? De retrouver... Une espèce de dilatation. Après, je sais que c'est juste aussi une identité sonore que tu as. Ouais. Puis moi, je trouve ça dingue. Comment ça se capter là, alors que je ne m'y attendais pas. Tu vois. Ouais. Pour après, les coïncidences avec les autres, de toute façon, on fait tous toujours la même chose. On est obsédé par des types de sons... le son continu, le drone, enfin ça a toujours été là, même si il était en fait en gros sidechainé par des rythmiques, en fait c'était un peu ça avec Deep Palace quoi, c'était et le fait de dilater, bah là c'est juste que je rentrais dans le délire de la narration, le fait qu'on est allongé et qu'il fallait prendre un peu en gros l'écoute par la main, d'amener vraiment dans le son et puis après de promener l'auditeur. Il y a un truc comme ça qu'il n'y a pas forcément dans un dispositif où tu es sur scène, enfin où tu es dans un format concert avec les personnes autour de toi et que tu cherches un truc plus de décharge sonore ou des choses comme ça. Voilà, c'était un peu volontaire. Et après, même moi, enfin, même on en parlait avec Sarah Terral, on disait, quand on est dans un dispositif comme ça aussi, il y a plein de choses qui sonnent qu'on n'entend pas chez soi. Et il disait, Clément, en fait, je peux laisser le son et puis voilà, et l'écouter pendant 10 minutes parce que du coup, on n'entend pas pas du tout de la même manière. Et plus tu l'écoutes longtemps, après, c'est le principe du drone, tu vois, Tony Conrad, Montaigne, c'était ça, c'était vraiment des drones qui duraient une heure et ou Hélène Radigue dans des versions plus douces, mais plus t'écoutes, plus tu entends des choses nouvelles. Mais si on en revient au dispositif, comment est-ce que ça se construit en fait pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, c'est un peu toujours le même dispositif que tu proposes et puis tu expérimentes à partir de ça? Ou est-ce que d'une fois à l'autre, tu changes des éléments? Enfin, comment est-ce que... ouais, comment est-ce que tu, par exemple, comment est-ce que tu as construit ce dispositif pour ce soir, ouais, pour hier soir. Tu parles des synthétiseurs que je choisis. Ouais. Ben en fait, là, ça fait un an que je cherche un petit peu mon dispositif, même un peu plus, parce que j'ai vendu cette boîte à rythme en fait, que tu vois, qui. Et du coup, je cherche le synthé avec lequel je me sens bien pour jouer. Et là, à chaque concert, j'ai quasiment tous les deux concerts, je change. Donc il y a cette idée-là, et là, je crois que j'ai trouvé un dispositif avec lequel je suis bien. Et c'est juste d'arriver à jouer et à comprendre ce que tu fais, ce qui est en train de se passer et comment tu vas le modifier. Mais c'est est-ce un peu qu'il y a une sorte de visée, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu projettes, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est aussi expérimental au sens de très empirique, de se dire voilà, j'intègre un nouvel élément et puis je vois ce qui se passe. Enfin, des stratégies. Ouais, la visée pour le juste dispositif, ouais, c'est d'arriver à un moment à quelque chose de fixe. Et après, quand tu choisis aussi les synthés, tu vises un son, là, vraiment, depuis 2-3 ans, c'est d'arriver à avoir un outil qui permette vraiment d'avoir ce que permet le Serge, c'est de pouvoir avoir plein de sons, d'artefacts, de trucs bizarres, de résonances, de timbres, avec des oscillateurs, tout simplement. Enfin, moi, je feedback pas forcément les choses. Des fois, tu trouves des sons qui sont hyper surprenants, donc... la visée, c'est toujours ça, c'est de trouver les bons sons pour bien droner. Et puis on parlait aussi de l'effet que ça nous avait fait en tant que public. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse? Parce qu'on était assez euphorique à la fin. Enfin, ce qui, pour une performance noise, est peut-être pas, enfin, si on la qualifie comme ça, est peut-être pas forcément toujours le cas, mais là, il y avait vraiment quelque chose qui était, Ouais, qui était hyper chargé, mais dans une sorte de joie, ouais, ou d'enthousiasme. Ouais, oui. Tiens, j'ouvre ton micro aussi, Lise, si tu veux participer à la conversation. Je savais pas que c'était partagé, parce que j'ai filé à la fin, mais en fait, vous étiez aussi dans le même état, quoi. Mais oui, vraiment, mais puis ça, on entend dans le récap, parce que du coup, Marie, elle a enregistré les réactions, elle fait ça, ouais, après les concerts, elle enregistre les réactions des gens. Et en fait, vraiment, en réécoutant ces enregistrements, il y a les voix de tout le monde, là, parce qu'on faisait aussi les cons, parce qu'on était dans cette euphorie, mais tout le monde est pitché une octave au-dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper étrange, avec vraiment des... On parle tous comme ça, avant 1000 blagues stupides, je sais pas, c'est vraiment... Ouais, mais je... ouais. Non, mais c'est vraiment pas à ce moment-là, j'aurais trop voulu. Ouais. C'est vrai que c'était marrant l'après. Mais en fait, moi, je voyais pas parce que j'avais là. Et en fait, quand ça s'est ouvert, j'ai vu plein de gens qui étaient tout le monde souriait, avait vraiment, je voyais les dents et tout. c'est waouh, c'est trop cool. Mais c'est trop bien, parce que moi, c'est vraiment ce que je cherche. Enfin, avec Officine, on dit toujours, ce qu'on cherche, c'est vraiment que ce soit exutoire, qu'on s'éclate. Nous, on s'éclate quand on fait Officine. Il y a un truc pseudo violent, mais qui l'est pas, qui est vraiment plutôt punk. Et l'idée, c'est un peu de décharger un petit peu les trucs. Là, j'avais quand même l'impression que c'était assez doux, mais il y a eu des moments, en fait, quand même, avec des keys qui persubent, qui... Je pense qu'ils étaient assez libérateurs. Donc, j'ai besoin. Non, mais super nouvelle. Tu pourras réécouter après dans les archives le récap d'hier. Il y a vraiment des bonnes petites pépites, quoi. Et puis, tu parlais aussi ce que vous aviez dit avec Clément par rapport aussi au dispositif, où tu peux un peu laisser traîner des sons, que ça, ils peuvent, enfin voilà, ils ont leur vie propre comme ça pendant un temps donné, quoi, enfin un peu le principe aussi du drone. Et là, je me suis dit particulièrement, en fait, vu que c'était quand même dans un acousmonium et qu'il y avait, parce qu'on le mentionne pas assez, je trouve, mais il y avait Thierry Simoneau qui était derrière les manettes, et puis qui, lui, c'est vraiment son instrument. Et du coup, là, je trouvais qu'il y avait vraiment la sensation que vous étiez en duo aussi avec ça. Et je ne sais pas si toi... Enfin, voilà, comment ça s'est passé, en fait, les répètes avec Thierry, comment vous avez travaillé aussi ensemble. Enfin, là, on sentait que lui, il a aussi méga kiffé, tu vois. Cette diff. On n'a pas du tout anticipé. Moi, je l'avais eu au téléphone. J'avais dit, bon, j'aimerais faire 4 groupes, 4 sorties avec des sortes de zones de fréquence, etc. Mais au final, en préparant, et puis avec, j'ai toujours le même genre de méthode de préparation, je me disais, en fait, avec l'improvisation et tout, Je vais lui expliquer et après, donc je lui ai donné en fait juste une stéréo et il recevait le son et lui il répartissait sur les haut-parleurs. Mais on a vraiment travaillé bien pendant 2h30. C'est vraiment... Moi, je lui ai fait un parcours qui était bien sûr différent de ce que j'ai fait le soir parce que tu n'arrives jamais au même endroit, mais c'était à peu près toujours un peu dans les mêmes idées similaires, avec des climax, des toutes petites choses et puis des moments vraiment de noise. Et on a, enfin, il a vraiment eu le temps de faire plein de thèses, de comprendre la manière dont les choses arrivaient. Et en plus, justement, comme il y a cet étirement et que tout rentre tout doucement, il a vachement le temps de capter où je vais. Donc, je pense qu'il a vachement saisi le délire. Et après, du coup, puis c'est hyper confort, justement. On avait 4 heures de préparation. Donc, il y a vraiment une rencontre, quoi. Et du coup, c'est ouais, super, Thierry. C'est génial le dispositif. On peut expliquer qu'il y a vraiment une guirlande de piezo qui passe au-dessus du public et donc qui peut envoyer des sons très, très aigus. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Il y a des haut-parleurs qui sont tournés vers les murs, qui sont des murs en pierre. Donc, il y a des sortes de rebonds de sons qui se promènent. Et du coup, ça fait en plus un effet spatialisé. Qui va bien avec ce genre de dispositif en fait de son. Et puis aussi pour ce type de son justement assez ouais. Drone où il y avait tout qui arrivait petit à petit, tu pouvais vraiment, enfin voilà quoi, tu sentais que lui il avait aussi de la place en tant que interprète quoi de ton propre ouais. Son en train de se faire pour le je sais pas quoi, comme lui donner vraiment des couleurs différentes partout dans l'espace, puis enfin c'était vraiment hyper beau. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu arrivais aussi déjà à percevoir depuis ton point de vue? Est-ce qu'il y avait une manière où tu sentais la spatialisation qu'il était en train de faire? Est-ce que ça a influencé aussi ton jeu? Enfin, tu vois. De la place où on est, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le public qui est entouré par les haut-parleurs et nous, on est un peu au pied du public, donc on est assez décentré. Et de la place où on a du coup des sortes de retours de face derrière nous. Et moi, qui était comme vraiment vertical en fait. C'était comme si j'avais, enfin c'était des monitoring. J'entendais, moi je me concentrais sur les frais, enfin sur ce que je faisais dans le spectre de fréquence quoi. Mais la spatialisation, j'en avais pas du tout conscience. Mais ça c'est, j'avais pas le choix en fait, à moins d'être vraiment au milieu et de prendre la place la mieux, tu vois. Ouais. mais pendant les répétitions, je suis allée un peu m'allonger pour capter en fait ce qui se passait avec le dispositif. Donc j'ai un petit peu ressentir un peu la spatialisation. Je vais remettre un petit extrait de Mutation, quelque chose qu'on a, mais là c'est quelque chose qu'on a reçu qui est plus du coup du live Serge sur une publication sur Erratum. Voilà, et Du coup, c'est ce que tu étais juste en train de nous dire là, hors micro, c'est que ça, c'est donc un extrait de nouveau d'un live au Serge qui va être bientôt publié sur le label Erratum. Ouais. Ouais, en fait, c'est le concert qui a été fait à la Mise en Circuit. C'était les 50 ans du Serge Modular System. Il y avait des concerts pendant 3 jours. Et ce concert-là, il a été enregistré. J'ai un petit peu remodelé à l'intérieur des choses. Et donc, ça donne une pièce de 25 minutes d'un tenant qui sort. Genre, le disque va arriver depuis une semaine. Il devait arriver hier. Vraiment, il devait vraiment arriver hier. Et donc, je pense qu'il va arriver aujourd'hui. Et voilà, c'est un enregistrement de cette pièce-là. Trop bien. Et donc, il n'y a pas encore d'enregistrement de ce que tu as proposé hier. Et on se réjouit que ça sorte. Bah, je ne sais pas, du coup, si j'ai complètement oublié de demander à Thierry d'enregistrer. De savoir, j'imagine que je suis partie du principe que tout était enregistré. Mais en tout cas, moi, de toute façon, j'ai enregistré. J'ai la pièce cousine. Mmh. Sur mon ordinateur et j'espère refaire un disque avec. Ouais. Et puis et demander aux gens. C'est le boulot de l'été. Ouais. C'est mon cahier de vacances. Et demander aux gens de se construire un acousmonium à la maison pour l'écouter après. Ouais. Est-ce que c'était d'ailleurs une première expérience avec un acousmonium ou c'est... Oui. Ouais. Expérience voulue, oui. Parce que, parce que non, en fait, je viens de capter que j'étais partie faire quelques dates en Italie et j'étais arrivée à Milan dans une sorte de énorme maison squat où toute la salle d'en bas, ils avaient construit un acousmonium et qui n'était pas calé. Et en fait, c'est quand même, il faut quand même l'accorder, le caler aussi, sinon il y a plein d'interférences et en fait, tu as des trous. Parce qu'il y a des fréquences qui s'annulent, etc. Et donc, j'avais joué, vraiment, j'avais commencé mon live d'It Palace, et puis vraiment, il manquait des sons dans ce que je faisais. Il y avait des trous énormes. C'était en construction, quoi, voilà. J'avais fini avec une stéréo. Ouais. Vraiment, on avait arrêté au bout de 5 minutes. J'ai dit, arrête, il y a un problème. On refait. Ben yes, Ah, tu veux juste annoncer cette autre bonne nouvelle ? Non. Non, c'est juste parce qu'on a. Moi, je vais le dire quand même parce qu'on a beaucoup rigolé en écrivant le programme du jour, parce que tout à coup, en écrivant interview Marion Camille Palou, ouais. C'est les mêmes initiales que pour la maison communale de Plein Palais où on est MCP. Wow. Voilà, donc ça, on a vraiment beaucoup rigolé. Comment je peux prendre ce signe? Parce que c'est pas... Il faut revenir. C'est tout, hein. Je veux pas déménager c'est ici. Que, voilà, c'est qu'il fallait absolument que tu viennes. Ou revenir une fois avec Nacre. Moi, j'aimerais bien t'entendre parler un petit peu de Nacre. Ouais. Si ça ouais, te dit. Parce que je t'ai pas vu c'est encore. Mon projet qui m'a le plus heureuse de Nacre. Ah. Ah ben, alors vas-y, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'électronique, c'est dur, parce que tu as plusieurs choses à faire en même temps. Tu dois un peu te dissocier en quatre. Et du coup, ça demande beaucoup de concentration et de préparation et tout. Nacre, c'est, j'ai une guitare électrique et trois pédales et je me consacre sur un son à la fois. Même si au départ, j'avais prévu de louper, etc. Et du coup, c'est hyper brut. Brut et brutal, tu vois, il y a un truc où... Et je passe aussi par des petites choses et des choses très ouvertes au niveau éclatement du signal et de la saturation. C'est hyper joyeux aussi comme effet. Et c'est un projet qui s'est développé en parallèle ou qui existe depuis plus longtemps ou... Ouais, c'était en parallèle. En fait, j'avais déjà fait une ou deux fois. J'avais fait un truc à l'église Saint-Merry à Paris pour un festival, mais vraiment de théâtre. On m'a demandé de faire une perf. Et j'avais fait une sorte d'hommage à Keiji Aino. Donc j'avais mis une grande perruque noire comme ça. Et j'étais sous l'autel. Donc il y avait Jésus crucifié derrière moi. Et j'avais mis un mur d'ampli et j'avais fait un solo de guitare noise, voilà, j'avais juste mis toutes les pédales à fond, de la reverb et c'était beaucoup de feedback et j'avais fait une autre fois après et puis en fait c'est JF des instants qui m'avait dit mais tu fais un solo de guitare, j'ai fait ouais tu veux pas faire la première partie de The Dead Sea, je crois, j'ai fait bah ouais carrément et puis j'étais là merde, Bon, bah, c'est parti. Et en fait, j'ai fait une résidence aux instants. Puis après, du coup, j'ai passé plusieurs fois, 3 jours, dans des endroits à essayer plein de bruits, plein de sons, plein de trucs. J'ai enregistré, je ne sais pas, vraiment 50 pistes, quoi, de 8 minutes. Et après, j'ai fait la cassette. Et puis, en fait, j'étais venue jouer au Louf à Lausanne il y a 2 ans. Entre autres, voilà. Et après, c'est un projet où je joue avec un ampli basse plus un ampli guitare l'un sur l'autre. Et j'ai déjà essayé, j'ai fait une tournée au début où je faisais avec les amplis qu'on trouvait, etc. Et puis vraiment, c'était pas heureux comme système, parce que si j'ai pas vraiment certains amplis, je retrouve pas mon son pour que ce soit vraiment... Donc je fais quand c'est possible d'avoir d'ampli, sachant que moi, j'ai pas d'ampli. J'ai une guitare, mais j'ai pas d'ampli. Je vais toujours dans les studios. Genre, je vais plutôt griller les amplis de Studio Bleu à Paris que. quand j'ai joué à Strasbourg. Je te demandais si, quand elle a joué à Strasbourg, c'était avec ses amplis. Non. Non. Pour le coup, donc, j'ai pas vu la version que tu voudrais que ce soit. Ah, non, c'était les bons amplis, ouais. Ah, alors ça. Ouais. C'est vrai, t'avais vu. Ouais, ouais, ouais. Ça va, c'était. Je pense, voilà. Il faut ce système-là. Ok. Et je crois que c'était une loc du coup, donc ça demande de la loc, ça demande un petit budget, mais quitte à pas me payer, mais il faut que aussi l'orga ait envie de faire cet effort là et voilà, sinon il faudrait que voilà c'est autre chose, mais vraiment pour pouvoir prendre plaisir et continuer à faire ce projet, peut-être qu'il faudrait que j'ai une voiture et 3 amplis, mais pour l'instant j'ai pas ça. Du coup, ça fait, ouais, on fait comme ça un petit avis pour Archipel l'année prochaine, peut-être. Je sais pas. Ah comme ouais. Ça, ils ont déjà les infos, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est du coup beaucoup plus physique aussi, j'imagine, même dans le rapport que tu as toi au corps. Moi, c'est toujours quelque chose aussi qui me plaît à fond dans les différentes facettes des projets d'une même personne, d'avoir à la fois des setups où tu as une espèce de vraiment d'implication corporelle assez totale, tu vois, avec des instruments comme la guitare ou face à des amplis, ou une implication où tu as l'impression que c'est surtout un état du haut du corps, comme avec les synthés, quoi. Ça, ouais. Dès que je repars faire un concert avec Officine, c'est le kiff. Juste, tu as ton instrument, t'es avec le corps et c'est hyper. Ouais. C'est, voilà. Ça questionne vachement sur plein de choses parce que tu te dis, bon, le rock, c'est mort, nanana. Et puis en fait, tu te dis, non, mais c'est quand même trop bien. Même la sensation, je trouve, d'écouter vraiment de l'électricité comme ça. Des guitares, c'est pas du tout la même, je trouve, que d'écouter l'électronique. Et puis même de voir des gens qui sont dans une physicalité avec l'instrument par rapport à des gens assis. Tu vois, hier j'étais assise, tu vois, vraiment quasi immobile. Donc effectivement, il n'y a que le cerveau qui marche. C'est assez dissociant, bizarre. Mais si tu kiffes du coup tellement faire par exemple du Officine que ouais. Ça a l'air de vraiment de te mettre ouais. En joie ou nacre ou quoi, et du coup, qu'est-ce que tu trouves aussi dans Digit Palace maintenant, qui a l'air quand même de te faire aussi grand plaisir. Ouais. Je pense que c'est un truc solitaire. J'ai commencé par ça parce que je faisais ça toute seule dans ma cuisine. Enfin, voilà. Et du coup, le seul moyen de pouvoir faire des trucs avec ce que j'avais, je faisais avec l'ordinateur. Donc, du coup, c'est un truc que j'ai toujours fait, de chercher à faire des trucs d'électronique avec ce que j'avais. Et après. Je faisais des groupes de punk quand j'avais 20 ans, mais après, du coup, ça s'est arrêté. Et je pense qu'Officine, c'est une rencontre, un moment, avec 2 potes. On s'est dit, on essaie de faire un truc. Et cette rencontre-là, elle a eu lieu après. Et voilà, donc je pense que je peux... Ouais, des fois, je me dis que je vais arrêter l'électronique. En même temps, comme ce truc, il avance, il change, et qu'on me propose de faire des choses, je fais OK. Tu vois. Bon, puis il y a quelque chose de très physique aussi, en tout cas dans la manière dont on le reçoit, que ce soit la musique en elle-même ou aussi la manière dont ça se déploie dans l'espace. Mmh. Enfin, il y a vraiment un truc qui est hyper prenant aussi. Ouais, alors ouais, après, ouais. Après, j'imagine que dans la performance, si on te regarde, on ressentira peut-être pas la même chose que quand tu fais un solo de guitare. C'est un autre détour, quoi. Voilà, ouais. Mais ouais, le résultat, il est. Enfin, moi, j'avais pas l'impression d'assister à un set hyper intellectuel avec quelqu'un qui est derrière. Qui est simplement derrière un ordinateur en train de nous faire passer d'un état à un autre. Enfin, j'avais aussi l'impression de partager quelque chose avec toi. Ouais, c'est, en fait, c'est Denis Rollet qui m'a dit ça hier. Il disait, comme t'improvises et qu'on est avec toi, enfin, on a l'impression de rentrer avec toi, voilà, et de chercher avec toi. Et du coup, je fais, ah ouais, ouais, ben, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai déjà ressenti, par exemple, avec Mary Lamp, qui improvise toujours. Et c'est vrai que des fois, ça part un peu comme ça, et tu, c'est comme s'il cherchait un peu la porte d'entrée, et puis paf, tout d'un coup, il tombe dans un état de son, et puis il y reste. Mmh. Et dans ces inégalités-là, il y a un moment où, du coup, tu fais partie avec lui de espèce de petits moments de grâce. Mmh. Et c'est, du coup, c'est hyper plaisant, effectivement, que d'être dans un truc hyper écrit, hyper figé. C'est un peu flippant quand tu es à la place de la personne qui improvise. Et c'est ce truc-là qu'il faut gérer. Voilà. Et effectivement, ce que j'aimerais bien arriver dans ces nouveaux dispositifs, c'est de retrouver cette espèce de grosse euphorie qu'il y a dans le son plus rock par Dite Palace. Et là, je pense que je suis en train de petit à petit de trouver donc un ou deux petites choses au milieu pour que ce soit ouais, puis y a aussi l'objectif. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez étrange quand on utilise de l'électronique, c'est de passer par des systèmes qu'on peut pas forcément appréhender justement directement par le geste. Donc il y a aussi quelque part quelque chose qui nous échappe, non? Aussi ouais, dans ouais, cette ouais. sorte de, enfin on peut pas reproduire exactement les mêmes choses d'un set à l'autre ou. Ouais, ça, si tu prends des trucs avec des mémoires, si il y a des trucs qui sont ouais. hyper écrits dans la musique mmh. électronique, le club et tout ça. Si tu mets des samples, enfin, mmh. moi j'ai, enfin bref. J'ai expérimenté ça avec un groupe plus EBM, on était un duo, et puis c'était vraiment hyper, et c'était comme ça que c'était l'idée, et puis on jouait dans des smacks, et on te demande des formats bien précis, et on arrivait, on faisait quasi, enfin au millimètre près, on avait un format 50 minutes, un format 40 minutes, c'est des trucs, j'ai étouffé, quoi. Mm-hmm. Vous pouvez pas, des fois, en fait, j'avais des trucs, je faisais les textures, et je faisais en live, et je suis contente de l'avoir fait, et je suis contente de pas le faire, et effectivement... je sais plus du coup, mais non, mais justement de ce rapport, enfin qui peut aussi être aussi imprédictible et puis quelque part voilà. Aussi assez étonnant ouais, quand ouais, on pense utilise. Je pense qu'il y a quelque chose qui reste quand même avec le danger que tu subis un peu, qui est un peu excitant quoi. Après vraiment. C'est le truc un peu de la harsh noise, c'est-à-dire quand tu boucles ta table de mixage et que tu crées un système chaotique qui est quasiment autonome et que tu bouges un truc, en fait, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ça, c'est vraiment génial. Je ne l'ai pas plus expérimenté avec Dite Palace au début. Enfin, je veux dire, Dite Palace, quoi. Au début. Ouais. Mais c'est, ça a l'air d'être vraiment aussi ce que t'as dit Denis quoi. Enfin, moi c'est un peu quelque chose aussi qui me fascine dans l'impro, c'est ce truc où tu découvres en même temps que les gens, puis un peu ton taf c'est d'essayer de garder le cette curiosité là et une espèce d'attention, et que ton attention est millimétrée, mais pour amener tout le monde dans cette espèce de recherche quoi. Je sais pas comment tu le perçois toi, mais bon, il est midi 8, il faut qu'on arrête cette conversation, mais si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Par rapport à quoi? Ça, cet état d'improvisation, ou pourquoi est-ce que toi, c'est aussi quelque chose qui te botte, ou est-ce que ça te fait un effet particulier? Moi, je sais pas, j'arrive pas à figer, je pense que c'est mon caractère dans tout. Mmh. Et vraiment, là, c'est la première fois que j'écris autant un truc, enfin, vraiment, j'ai vraiment écrit un truc, et puis il y a deux jours, j'ai dit non, mais je vais improviser. Tu vois, et j'ai toujours, maintenant, je commence à l'accepter, mais du coup, que. C'est quand même plus libre d'improviser quoi. Eh ben merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup merci à vous Marion. Ouais. Trop bien.